Bélier, si votre statut de célibataire vous pèse, changez la donne de vos amours. Taureau, Mars enflamme votre cœur et le reste. Voilà de quoi pimenter votre vie privée de nouvelles sensations. Gémeaux, un peu de dépaysement vous ferait le plus grand bien. Vous avez besoin de vous changer les idées. Cancer, Mars vous fait grimper au rideau. Retour de flamme ou coup de foudre inattendu, tout est possible. Lion, les couples sont sous les feux de la rampe. Vénus veille au grain, ce qui vous permet de retrouver une harmonie conjugale. Vierge, un vent libertin souffle sur l'alcôve de vos amours. Voilà de quoi raviver les flammes de la passion. Balance, Vénus chemine dans votre cinquième maison solaire. Vous êtes irrésistible, votre charme naturel est décuplé. Scorpion, si Vénus vous fait grise mine, Mars vous invite à la rencontre, voilà de quoi vous réjouir. Sagittaire, vous traversez une période relationnelle fructueuse, profitez-en pour élargir votre carnet d'adresses. Capricorne, Mars vous tourneboule les sens, vous mettez votre timidité de côté pour donner libre cours à vos désirs. Verseau, vous pouvez compter sur vos amis pour vous aider dans la quête de votre âme sœur. Poisson, vous avez besoin de consolider vos liens avec votre partenaire, de retrouver une certaine intimité.